Date et lieu de naissance. 14 août 47 en Tunisie. Tes parents étaient en Tunisie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais ma mère est née en Tunisie aussi. Elle était dans l'éducation nationale. Oui. Où elle a fait un peu tous les métiers, c'est-à-dire institutrice, surveillante générale, et elle a fini sous-intendante d'un lycée, à Bizerte. Et ton père? Mon père est né en Algérie. Il a fait ses études de médecine à Alger. Et en Tunisie, il était médecin de la santé publique, c'est-à-dire moitié fonctionnaire à l'époque du protectorat. Et il a continué par la suite, après 56. Tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur qui a 25 ans. Oui. Elle est mariée? Non. Elle fait des études d'espagnol. Bon, t'as tes lieux de mariage? Pour moi? Oui. Toujours rien. Toujours rien. Mmh. Bien. Tes études alors? Mes études? Et à Lyon, j'ai fait une maîtrise d'histoire et j'ai terminé Sciences Po. Par la suite, j'ai continué à Paris. À Paris, j'ai commencé Langzhou et l'école pratique des hautes études, oui. Troisième cycle. Par la suite, j'ai fait un stage d'arabe au CREA à Beyrouth. Je suis revenu ensuite une année encore à Paris où j'ai passé ma licence d'arabe. Oui. Tout en continuant fréquenter un peu les séminaires de PHO. Ensuite, une année à Damas, à l'Institut. Comme un boursier. Comme boursier. Et bon, ensuite, retour à Paris en juin 1974. Et puis, je cherchais plus ou moins du travail en octobre. J'ai été appelé pour être prof d'histoire à l'école supérieure des lettres. Oui. Donc actuellement, tu enseignes l'histoire? Oui. À l'école supérieure des lettres? Oui. Quelles sont les raisons qui t'ont amené au Moyen-Orient, particulièrement au Liban? À Beyrouth? Oui. Oui. Bon, d'abord, si je suis à Beyrouth, c'est uniquement parce que je fais de l'arabe. Oui. Oui. Il se trouve que je suis à Beyrouth pour ces raisons-là. Je ne suis pas à Beyrouth pour des affinités particulières avec le Liban ou avec cette région. Bon, du point de vue des études arabes, la région est bien desservie puisqu'il y a l'Institut français à Damas, oui. Il y a le CREA à Beyrouth, bon, ce qui n'existe pas au Maghreb par exemple. Oui. Donc je suis à Beyrouth par accident, uniquement parce que j'apprends l'arabe. Oui. Et que tu as des bons moyens ici de la France. Oui.